Tu parles de l'âne et du bœuf égaré, de l'oiseau sur son nid, du vêtement qu'on retrouve, de ce qu'on ne doit jamais laisser en oubli. Tu montres que l'amour du prochain passe par des gestes concrets, rendre ce qui n'est pas à nous, protéger ce qui est fragile et discret. Tu entres jusque dans nos habitudes, là où on pense que tu ne regardes pas. Apprends-nous l'amour dans les détails, dans les petites choses du matin. Que chaque choix parle de ton cœur, même quand personne ne voit rien. Apprends-nous l'amour dans les détails, à protéger, à réparer. Car tu regardes aussi nos gestes quand personne ne vient les noter. De ce qui brouille les frontières, de fidélité dans les alliances, de vérité dans la lumière. Tu n'es pas le dieu des compromis flous. Tu veux que la justice soit claire, que l'on respecte l'autre dans son corps, dans sa parole, dans sa lumière. Apprends-nous l'amour dans les détails, dans les petites choses du matin. Que chaque choix parle de ton cœur, même quand personne ne voit rien. Apprends-nous l'amour dans les détails, à protéger, à réparer. Car tu regardes aussi nos gestes quand personne ne vient les noter. Que nos petites décisions racontent. Raconte un grand Dieu.